Alors que nous sommes dans notre coin, à chercher des moyens de vengeance. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un peu de patience. Prendre son temps pour réfléchir, s'expliquer ce qui est arrivé, en se concentrant sur l'avenir, en oubliant notre passé. Pas même un soupçon d'indulgence. Et de cette haine imaginée, des souvenirs expérience. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un peu de patience. Se rendre compte de ses erreurs, au lieu de faire le prétentieux. Regarder en face notre malheur, qui ne se cache plus à nos yeux. Qu'est-il resté? Pas même un soupçon d'indulgence. Et de cette haine imaginée, des souvenirs d'adolescence. Souvenirs.